Exercice 8, page 160. Virlang. Jeudi, Aziz joue à Zarzis. Jeudi, Aziz joue à Zarzis. Jeudi, Aziz joue à Zarzis.